vie n'avait plus de mystère. Il me fallait bien pour pouvoir entendre la musique de l'air sur le chemin. Mais un jour, bah, la musique s'est tue, nous laissant toi et moi dans le silence. Chaque mot était une pierre de plus au mur qui séparait nos existences. Les petits enfants nous reconnaissaient, leur sourire était autant de roses. Il fallait seulement un peu se baisser pour cueillir ces fleurs sur leurs joues roses.